pas regarder, voir en face la vérité essentielle. J'arrive pas à assumer ces responsabilités torrentielles. S'il faut choisir, je reste là, maintenant. Je prends le risque d'accepter simplement que je suis plus un enfant. J'ai pas honte de l'avouer, j'ai failli me dégonfler, prudentiel. C'est pas simple de jouer à la lutte émancipée, démentielle. S'il faut choisir, je reste là, maintenant. Je prends le risque d'accepter simplement que je suis plus un enfant. Cette page que j'ai tournée, retournelle. Il faut surtout pardonner ces instants de vérité émotionnelle. J'ai bien choisi, je suis là, maintenant. Mais c'est permis de souhaiter, de temps en temps, c'est un peu enfant.